Ce soir à l'aérospatiale, une rencontre avec Yveline Boulevard, le Festival international du film sur l'art au Musée des beaux-arts de Québec et le projet L'une à l'autre de Marie-Pierre Gravel. Bonsoir, chers auditeurs et chères auditrices. Gentiane La France avec vous en studio pour cette édition de l'Aérospatiale, le magazine radio sur les arts visuels à Québec, sur les ondes de CKRL 89.1. Donc, avant de commencer, j'aimerais vous mentionner que CKRL est en campagne pré-radioton. Donc, on vous invite à renouveler votre carte de membre ou faire un don pré-radioton donc sur le site de CKRL et puis vous pouvez passer directement en studio ou le faire sur le site internet avec avec les moyens de PayPal et ça va être le 6, 7 et 8 avril que le radioton en tant que tel va commencer. Donc aujourd'hui, nous allons recevoir en première partie en compagnie d'Héloïse Plamondon-Pagé, nous allons recevoir Yveline Boulevard qui est très occupée de ce temps-là, donc elle a entre autres une exposition du côté d'Engram. Elle est également en résidence à la Chambre Blanche et il y a un événement auquel elle a été invitée à participer à vue cette semaine, donc il va y avoir matière à discussion. Également, en deuxième partie d'émission, je m'entretiendrai avec Anita Hugui, qui est la directrice de programmation du FIFA pour les intimes, qui est le Festival international du film sur l'art, donc qui présente une partie de sa programmation à Québec dans le nouveau pavillon du Musée national des beaux-arts du Québec. Donc, nous pourrons en savoir un peu plus à partir de 18h. Et enfin, je recevrai en studio Marie-Pierre Gravel qui présente un projet qui s'intitule L'une à l'autre, donc un projet évolutif à la salle d'exposition du pavillon des jardins de l'Université Laval. Donc, nous en saurons plus en compagnie de l'artiste en toute fin d'émission. Mais pour l'instant, je vous laisse avec un extrait du titre de Fix Waiting, donc qui est une pièce de Warren Walk, toujours une sélection de Simon Roy cette semaine, donc un projet russe de musique électronique. Et au retour, je m'entretiens avec Héloïse Plamondon-Pagé et Yveline Boulevard. We'll be right back. Alors, j'ai avec moi en studio Héloïse Plamondon-Pagé, bonsoir. Bonsoir. Et Evelyne Bouleva, bonsoir. Bonsoir. Héloïse, tu es allée voir l'expo d'Evelyne chez Engram et tu avais le goût d'inviter Evelyne Bouleva à venir discuter de ce projet-là et d'autres projets peut-être là, sur lesquels elle travaille en ce moment. Donc, comment tu as trouvé cette exposition-là? Ben, j'ai beaucoup aimé... Moi aussi. Oui, c'est ça. J'ai beaucoup aimé l'exposition d'Evelyne Engram. Je connaissais déjà un peu sa pratique. Evelyne, tes dessins et tout qui sont réalisés tellement avec minutie, avec détail. À chaque fois, ça m'impressionne. Et puis oui, j'ai beaucoup aimé l'expo présentée à Engram, avec aussi des pièces qui intègrent comme plus la peinture. Ou en tout cas, tu pourras nous en parler. Mais moi, j'ai eu un coup de cœur. Donc, on pourra parler tantôt. Et puis, c'est ça. Donc, Evelyne, c'est ça. Tu travailles beaucoup le dessin à la manière traditionnelle dans certains cas, mais t'intègres beaucoup, tu l'imbriques à des moyens plus technologiques, photographie, vidéo, aussi traitement infographique, pour créer un dialogue entre l'art et la géographie. Et là, de janvier à juin 2017, tu es allée faire un séjour, un peu de recherche et de documentation au Belize, qui a été le point de départ de l'expo que tu présentes à Engram. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu du contexte qui t'a amené là-bas puis qui t'a inspiré pour démarrer un peu tout ce projet de recherche, cette première phase De Terre tourmente, de l'exposition. Oui, de Terre tourmente, oui. Je suis partie au Belize, en fait, pour accompagner mon conjoint. Au départ, je terminais plusieurs contrats, donc le moment se pointait bien. Lui faisait son terrain de recherche pour ses études doctorales en géographie au Belize. Donc, on est partis ensemble. Je n'avais pas nécessairement d'idée pressentie très claire de ce que j'allais faire. Terminé une grosse période de travail, de production, de plein de choses. Donc, j'y allais un petit peu dans l'idée de reprendre mon souffle au départ, j'avoue. Mais finalement, moi, je m'intéresse beaucoup au paysage, au territoire de longue date. Et tous ces questionnements-là m'ont rapidement rattrapée. Donc, à travers, entre autres, la question de l'environnement, de l'écologie, qui était peut-être moins présente auparavant de façon claire dans les recherches. J'ai profité du séjour au Belize, mais d'une part, j'ai constaté certains éléments qui se regroupent au Belize, qui sont peut-être plus visibles et plus denses qu'ailleurs, qu'ici. Et ça m'a amené à effectuer des lectures pour préciser un peu la situation, pour me faire une idée de tout ça, donc pour affiner un peu ma vision aussi du paysage en lien avec les changements climatiques, entre autres, les perturbations qu'on vit. Donc, c'est quoi ces éléments-là, au juste, qui t'ont marqué au Belize dans le paysage? Mais la première chose qui était très visible, c'est la question de l'érosion des berges. Assurément, c'est quelque chose qu'on observe aussi au Québec, entre autres dans l'Est du pays. Mais à cela s'ajoute toute la question de la plastification des océans, qu'on voit peut-être moins ici, puis qui est extrêmement présente dans les pays du Sud, que Donc, ce soit sous forme... Les déchets, évidemment, les gros déchets, mais c'est aussi des micro-particules de plastique qui se retrouvent partout sur les berges. Il y a des moments où les gens font des corvées de ménage pour essayer d'arranger un peu les choses. Le fait aussi, c'est un grand parc maritime, il y a beaucoup d'îles au Belize, donc évidemment, toute la montée des océans, c'est quelque chose qui peut faire craindre la disparition ou la diminution du territoire comme tel. Le Belize, c'est aussi l'endroit où il y a la deuxième plus grande barrière de corail, après celle d'Australie. Mais elle est beaucoup plus en santé que celle de l'Australie, mais on commence à voir des altérations importantes, un blanchiment. Donc, il y a une multitude d'éléments comme ça qui sont présents dans un petit territoire, puis les gens les voient, s'inquiètent, en parlent. Donc, c'est pas quelque chose qui est abstrait du tout là, quand on se retrouve là-bas. Oui, puis aussi, c'est ça, j'avais lu que ce qui t'avait marqué, que tu en avais beaucoup parlé avec les gens de là-bas, ou que ça t'avait nourri, ça aussi. Comment était le contact avec les gens de là-bas? Ah, assez chaleureux. Ouais. Les gens sont bien sympathiques, puis toujours prêts et ouverts à la discussion. Donc, à ce niveau-là, il y avait une belle franchise, puis une belle ouverture là, à parler de tout ce qui est vécu. L'érosion des berges, évidemment, c'est quelque chose qui est très sensible, parce que c'est des fois des disparitions annoncées du village, carrément. c'est à ce point-là. Donc, évidemment, pour les gens, c'est un problème. On s'entend que le Belize, c'est pas extrêmement riche. Donc, comment c'est géré? Comment éventuellement ils vont pouvoir changer des lieux de place? Puis c'est la perte d'un territoire aussi. Donc, c'est pas des sujets qui sont faciles, mais oui, ils sont abordés là, par les gens. Donc, ça, c'est peut-être un des éléments qui était très présent. Les dernières grosses tempêtes qu'ils ont eues avec les destructions que ça a amené, mm-hmm. donc la fragilisation, encore une fois, des mangroves, du littoral. Donc, puis auquel ouais. tu fais référence. Ben, en tout cas, la tempête, je trouve, est assez présente à Engram. On voit l'œil d'un cyclone. Il y a aussi ta série de dessins avec le palmier qui part au vent puis qui résiste. Et ces images-là, ils viennent de où? Sur place, comment tu procèdes? Mais normalement, dans ma pratique, j'ai toujours procédé à partir de documents visuels que je prends moi-même, des photographies que je fais moi-même. En l'occurrence, l'œil de l'ouragan est un peu difficile à documenter. Oui. Et les palmiers, en fait, qui se balancent dans le vent, sont des palmiers qui agissaient sous l'impact de la tempête Irma, qui est en septembre dernier, je pense. Je me souviens pas des dates exactes. J'étais pas non plus sur place, mais à ce moment-là, sans savoir ce que j'allais nécessairement en faire par la suite, j'ai recherché en fait des webcams qui étaient situées dans l'œil ou à proximité de l'œil de la tempête et qui résistaient aussi au vent. Puis je me suis mis à faire des captures d'écran en quantité industrielle de ces webcams-là. Je l'ai faite pour plusieurs des tempêtes en fait qu'on a observées l'été dernier. Donc par la suite, je suis retournée voir ces images-là, puis j'ai décidé d'en choisir une séquence, de la travailler, et c'est celle-là qui a été à l'origine des aquarelles qui sont présentées chez Engram. Oui, c'est ça, des aquarelles réalisées au pochoir. C'est bien ça, oui, au pochoir, oui, puis qui rappelle un peu les quadricromies. Donc, c'est un peu la référence aussi à l'estampe qui a. Parce qu'Engram, c'est un centre de production. En estampe. Oui, effectivement, il y a pas comme tel d'estampes dans l'exposition, c'est vrai, mais il y a beaucoup, beaucoup de références techniques à la discipline, en fait, que j'ai quand même pratiqué longtemps. Donc, dans le cas des aquarelles, c'est une quadrichromie, donc elles ont été faites à partir d'une superposition de pochoirs, en fait. Un premier pochoir qui m'a permis de réaliser le jaune, un deuxième pochoir, le cyan, le magenta, un gris et le noir. Donc, c'est pas tout à fait une quadrichromie, non, c'est ça, j'ai ajouté un gris. T'as ajouté un gris, pour ramener un petit peu l'ambiance tempête qui avait cours à ce moment-là, puis désaturer les couleurs en quelque sorte. Donc, j'ai vraiment procédé comme en estampe, mais à travers le médium de l'aquarelle, puis en même temps en profitant de toutes les nuances que l'aquarelle peut amener à chacune des étapes. Donc, les nuances de jaune, les délavés, etc., etc. Donc, c'était joindre un peu deux techniques ensemble dans ce cas-là. Oui, puis aussi, on remarque que le pochoir avec la... J'imagine l'aquarelle avec l'eau et tout, ben ça fait que les gouttes sont pas exactement parfaites comme en sérigraphie ou une imprimante. Pour l'accident. Puis ça donne toute une texture à ton image, une sensibilité. En fait, ça, c'était aussi un des éléments qui m'a amené à travailler avec l'aquarelle, c'était cette question-là de l'accident que je voulais pas provoquer, mais que je voulais avoir présent dans la série et qui fait un peu, c'est mes histoires à moi, en fait, là, c'est pas nécessairement des choses qui sont écrites dans les œuvres de façon littérale, mais je me suis beaucoup intéressée aux questions de la géo-ingénierie lorsque j'étais au Belize, et encore maintenant, je continue à lire un peu sur le sujet, qui est une approche du côté des sciences qui viserait à corriger en fait des effets du réchauffement climatique de façon artificielle. Il y a plusieurs approches possibles, mais celle à laquelle je fais peut-être référence dans l'exposition, c'est ce qu'on appelle la géothermie de haute atmosphère, qui consisterait à pulvériser des sulfates en fait de façon assez importante et de façon généralisée autour de la planète. Donc évidemment, ça agirait un petit peu comme un volcan pour simplifier les choses. Ça permettrait de diminuer les rayonnements solaires qui atteignent la planète et de cette façon-là diminuer aussi le réchauffement climatique, mais sans qu'on en connaisse tous les effets potentiels. Ça, c'est le problème. C'est assez la rentrée de vitamine D. Oui, et autre chose. Donc, c'est une approche quand même qui a cours. Certains ont peur parce que ça pourrait être décidé de façon unilatérale, par exemple, par un pays, mais avec des impacts pour tout le monde. Donc, dans ces cas-là, évidemment, il y a un cadre scientifique scientifique qui est assez strict, on s'entend, mais tout ce qui vient après est inconnu. Donc, est-ce qu'il y aura un réchauffement, plutôt une augmentation de la pluviométrie à certains endroits, refroidissements? On ne sait pas ce qui se passerait en allant dans cette direction-là. Et dans mon processus, je voulais un peu évoquer cette posture de risque-là. Donc, j'ai vraiment choisi volontairement de travailler sur papier, à l'aquarelle, avec des pochoirs qui sont en fait des vinyles collants. Donc, à chaque fois qu'on enlève un pochoir, on risque de déchirer le papier. Avec l'aquarelle, il y a des risques que ça gondole, qu'il y ait des taches. Et je savais pertinemment qu'il y aurait des problèmes en cours de route, comme il y aura éventuellement des problèmes si on va dans ces options-là de travailler la géo-ingénierie, des approches similaires, plutôt que de changer des comportements. Et bon, il y en a eu des problèmes. Oui, il y en a dans c'est les... ça, tu t'es mis dans l'eau chaude, mais évidemment, le résultat est super beau. Là. Puis c'est ça, oui, il y a une œuvre, quand on entre, bon, chez Engram, au centre de la pièce, il y a une table en bois, et puis qui fait vraiment penser à une carte, à une cartographie, en fait, d'un genre de monde. Moi, ça c'est venu toucher tout de suite mon imaginaire, parce que, il y a comme des petites montagnes de peinture, des petites flaques de peinture hein, qui ont séché. C'est la peinture, c'est la couleur qu'on donne au plan d'eau dans la géographie. Exactement. Puis ensuite, Evelyne, t'es venue, t'sais, tout faire comme des petites lignes, des petit tour, tu sais, pour un peu rappeler les lignes sur les cartes topographiques là, qui déterminent les volumes des montagnes et tout. Puis tu me disais plutôt que ça c'était issu d'un accident, en fait. En fait, c'est une œuvre qui est apparue un peu sans qu'elle soit prévue. Il y a une autre pièce dans l'exposition qui est une carte de, grosso modo, du relief de l'océan Atlantique. Et cette carte-là, en fait, est basée sur une coulisse de peinture. Disons-le comme ça. Et quand j'ai procédé à la réalisation de la dite coulisse, j'ai décidé vraiment spontanément de récupérer les flaques de cette coulée-là sur un contreplaqué. Donc, les flaques sont apparues comme ça et c'est ensuite tranquillement que l'œuvre s'est construite, vraiment une étape à la fois. Donc, il y a l'océan Atlantique sur la première des œuvres qui est devenue sur la seconde Terra Incognita et qui fait un peu référence aussi à l'idée qu'avec les changements climatiques, bon, la première carte d'océan Atlantique fait un peu référence à la montée du niveau des eaux. On ne sait pas quelles terres vont rester, comment ultimement ça peut fragmenter certains littoraux. On ne sait pas quel est le monde vers lequel on s'en va. Donc, il y avait cette idée-là de terre qui se transforme vers un certain inconnu dans la seconde pièce que tu évoques, là, qui est sur table. Puis vraiment, je me suis inspirée des cartes marines qui traditionnellement étaient posées aussi sur table, non pas murales. Donc, c'est de là qu'est venue l'idée du meuble plutôt que d'une présentation murale comme je le fais habituellement. Oui, mais c'est génial. Donc, les petites montagnes de peinture, justement, font penser à des îles et tout. En même temps, ils sont bleus, la couleur de l'eau, puis avec toutes tous ces cercles de ce qui est comme topographique, ben ça évoque clairement justement la montée des eaux. C'est comme l'eau qui pourrait monter. Mais c'est inversé. C'est inversé. Les îles sont faites d'eau. Oui, un peu, oui. Puis bon, c'est aussi tout le jeu géographique sur les roses des vents aussi, qui normalement sont très structurées sur les cartes marines et que là, j'ai tracé de façon beaucoup plus chaotique pour évoquer peut-être une perte de direction, une perte d'orientation au niveau de cette terre-là qu'on connaîtra de moins en moins là, avec l'accélération peut-être des phénomènes climatiques. Donc voilà un petit peu. Mais oui, je me suis bien amusée à réaliser cette pièce-là, puis qui est peut-être plus dans l'imaginaire, puis qui évoque aussi les cartes de notre enfance, en fait, là, qu'on s'amuse à dessiner sans avoir nécessairement des repères réels. Pour faire des chasses au trésor, des choses comme ça, oui. Puis, quand tu parles de terre tourmente, tu parles d'une première phase dans une recherche, comme tu as amorcé un nouveau corpus de recherche ou un nouveau... puis là, ben maintenant, où est-ce que tu penses l'amener, ce projet-là? Il y a plusieurs possibilités. Déjà, il y a des pièces qui pourraient être poursuivies, que j'ai des idées que j'ai lancées dans la première phase que j'aurais envie de poursuivre en termes de travail, de réflexion. Mais il y a aussi d'autres pièces qui carrément sont juste pas réalisées encore, que j'ai en tête depuis quelques mois. Puis bon, pour une raison de temps, pour une raison d'espace dans la galerie, pour un paquet de raisons, n'existent pas encore, mais sont là sous forme d'esquisses, sont là sous forme de notes. Donc, Ben oui, parce que je voyais, tu semblais avoir justement réalisé énormément d'esquisses sur place. Dans des carnets de voyage. Puis ensuite, tu t'inspires de ça ou tu t'inspires de des photographies, des vidéos que tu as prises. C'est un mélange de tout ça, oui. Les dessins, en fait, que j'ai fait dans les carnets, des dessins d'observation, des dessins qui mêlent observation, imagination, qui travaillent beaucoup sur les symboles, qui n'étaient pas là nécessairement comme esquisse préparatoire à l'exposition parce que je ne savais tout simplement pas qu'il allait y avoir un projet d'exposition par la suite lorsque je les ai faites. Mais qui finalement ont servi de réflexion de départ pour l'exposition en cours. Donc, c'est devenu une première étape de travail sans le savoir. Ouais. Puis ben moi, je suis curieuse, Evelyne Boulevard, tu es en résidence à la Chambre Blanche depuis la semaine dernière. C'est quoi l'objet de tes recherches? Est-ce que c'est lié à ces pistes-là qui se sont dessinées pendant tes expérimentations pour l'exposition Terre Tourmente? On est dans les mêmes réflexions que pour Terre Tourmente, mais là, on parle d'une résidence d'écriture, documentation écriture, donc ça va prendre une autre forme que je commence à travailler. Donc, je vous avoue que j'aurais de la misère à en parler avec précision encore, mais on va être dans les termes de la question de l'anthropocène, des changements climatiques. Terre Tourmente n'est pas tellement loin. Toute cette incertitude-là, je dirais que le mot incertitude est peut-être important dans le projet qui s'en vient. L'idée de transformation, de transition aussi. Voilà. À suivre. La résidence est en cours, donc ça reste encore à développer. Et puis aussi, cette semaine, tu vas être... tu as été invitée par Vue à participer à ce que Vue appelle le carrousel. Oui. Donc, c'est un événement où tout un chacun est invité à venir et toi, tu es l'invité spécial. Et chaque personne est invitée, n'est pas obligée d'apporter un objet qui est le fruit de réflexion, de discussion, c'est ça? Oui, c'est bien ça. En fait, c'est demain chez Vue à 5h30, si je ne me trompe. Et en fait, moi-même, j'amènerai une image qui est une des aquarelles de la série de Palmier, mais qui n'est pas présentée chez Engram parce qu'elle a été clairement trop abîmée pour être présentable. Donc, je partirai de cette image-là pour amorcer la discussion qui, d'une part, va s'intéresser à la question du photographique dans le processus de travail. On s'entend, je ne suis pas photographe, je n'ai pas cette prétention-là, mais la photographie sert quand même régulièrement dans mes recherches, que ce soit au niveau du dessin, au niveau de l'aquarelle ou d'autres médiums. D'autre part, un des thèmes de la programmation annuelle de Vue, c'est la question de la prise du risque. Donc, je pense que c'est surtout cet aspect-là qui sera peut-être discuté demain, là, comment on se met en danger dans le travail, dans le processus de recherche, que ce soit volontairement, accidentellement, comment on gère, est-ce qu'on répare, est-ce qu'on laisse les choses telles quelles. Donc, c'est peut-être des thèmes qui seront abordés demain, mais c'est une discussion, donc on verra de façon spontanée comment ça se déroule. Donc, demain, à Vue à 17h30. À 17h30. Génial. Mais oui, c'est ça, les petits palmiers hein, qui, au final, sont comme un symbole un peu optimiste, ou du moins, tu sais, le palmier qui résiste à cette tempête-là, puis à tout ce changement climatique. Il résiste au vent. Mais ça reste comme il peut, il n'a pas le choix. Souvent, les derniers éléments qui restent relativement debout après le passage d'une tempête. Moi, ça me fait évidemment penser à la fable du chêne et du roseau de La Fontaine. Donc, le chêne qui, est fort, il est robuste, mais qui va finir par craquer si le vent est trop fort, alors que le roseau, il est tout léger et fragile, mais il plie. Et là, c'est donc une espèce de d'apologie de la souplesse, si on veut. C'est sûr que les enjeux sont pas les mêmes avec ce pauvre palmier là parce qu'il fait pitié quand même là. Ah, il n'a pas l'air dans une position tellement agréable. Non, non, il a mal. Et dans ton exposition Terre tourmente à Engram, il y a également beaucoup de nuages. Est-ce que c'est des captations que tu as fait des airs ou Oui, dans ce cas-là, c'est fait depuis l'avion simplement. C'est une chose que je ne sais pas. Je dois pas être la seule, mais que je fais régulièrement dès que je me retrouve dans un avion. Ah, c'est fascinant toujours. Oui, quand même. Puis ça dessine quand même des paysages qui sont chaque fois surprenant. Donc, je suis partie d'une de ces photographies-là pour créer le grand nuage qu'on retrouve dans l'exposition. Donc, au ciel nuageux. Au fond de la galerie, d'Engram. Ouais. Puis, toujours avec la présence aussi du pochoir, de la grille aussi, qui est très présente. On sent vraiment l'infographie, puis le... Puis à travers ça, c'est beaucoup l'idée de manipulation, encore une fois. Donc, dans ce cas-là, la grille est très stricte. Elle n'est pas laissée libre comme la nature le ferait. Donc, oui, un rapport donc très cartésien de l'intervention de l'être humain sur la nature qui est toujours très présent dans ton travail, Evelyne Bouluva. Merci beaucoup pour ce bel entretien. Merci pour l'accueil, très agréable. Merci, Héloïse Plamondon-Pagé, d'être venue entretenir cette conversation avec Evelyne Bouluva. Donc, l'exposition Terre tourmente est toujours en cours chez Engram jusqu'au 25 mars. Et nous, on va partir à la pause publicitaire et au retour, je m'entretiens avec Anita Hugui. 89.1. Y a-t-il assez de sang sur les signes de détresse? Assez de vibrato dans ces voix qui crient au secours? De vie dans l'œil des vivants? Y a-t-il encore assez de vivants au bout de nos routes? Rhizome présente, du 16 au 18 mars, en partenariat avec le Centre de la Francophonie des Amériques et le Musée de la Civilisation, Vocalité vivante. Programmation complète sur vocalité.ca. OK, c'est beau, je vais tout t'expliquer. Depuis le début. Mais après ça, allez-vous me laisser partir? J'aimerais ça m'en aller. Je comprends pas pourquoi vous êtes toutes à panique. J'ai rien fait, ça n'a pas rapport que je sois ici. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Je peux-tu sortir fumer une top deux minutes? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Je pouvais pas rester là sans rien faire. À perdre mon temps? Tout le monde passe son temps. À perdre son temps. Moi, je suis pas comme tout le monde. Moi, j'ai choisi de faire quelque chose de grand. Faut que je me rende utile. Faut que je me protège. Embrigadé, une création du collectif Les Pentures, dans une mise en scène de Pascal Renaud-Hébert, du 13 au 31 mars au Théâtre Premier Acte. Réservation premieracte.ca. Alors, pour me faire mentir, c'est Marie-Pierre Gravel qui est avec nous en studio. Bonsoir, Marie-Pierre. Bonsoir. Donc, Marie-Pierre, tu présentes un projet. Donc, ce projet, c'est l'une à l'autre à la salle d'exposition du pavillon des jardins de l'Université Laval. C'est pas une exposition en tant que telle, ce projet-là. Non, c'est deux semaines de travail sur lieu dans lequel je produis une quantité assez importante d'œuvres et qui va être après ça exposée pour une dernière semaine sous la forme pas encore parfaitement définie d'une exposition. Donc, c'est un processus que tu exposes. Et ce thème-là, si on veut, de la non-permanence, c'est quelque chose qui est central dans ta pratique. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu de quoi on parle quand on parle de non-permanence? En fait, on parle d'un peu de tout. C'est une constante que j'ai trouvé dans ma pratique à force de l'étudier, qui était le point central et répétitif. En fait, la non-permanence, c'est tout simplement une manière de dire le début et une fin, que tout a une fin, un commencement et des étapes entre le début et la fin. Donc, tout est toujours en train de se transformer, d'évoluer. Et donc dans ce que tu présentes à la salle d'exposition du pavillon des Jardins de l'Université Laval, tu numérises des papiers pliés et tu renumérises, c'est ça? C'est exactement ça. Donc il y a cette question là de l'altération en cours de numérisation. Puis qu'est-ce que tu vas chercher dans ces altérations là? En fait, c'est surtout la perte d'une numérisation à l'autre, la perte d'information, mais aussi le gain de certaines, parce que à force de numériser, il y a étrangement des choses qui apparaissent, qui se dévoilent. Puis je numérise jusqu'au moment de presque non-retour où on est à peine capable de voir si quelque chose était présent au début. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'altération, comme je disais, puis de la disparition aussi. Oui. Donc ça fait depuis la semaine dernière que tu travailles sur les lieux. Donc comment tu procèdes dans ton travail de, c'est comme une résidence en quelque sorte, une espèce de résidence publique. Exactement, oui, c'est. Donc comment tu procèdes, comment tu divises ton travail au cours de cette résidence-là? Je me donne une image par jour sur laquelle je dois produire des dérivés, des altérations qui peuvent être soit linéaires ou totalement qui partir dans tous les sens, plus vers comme des rhizomes. Mm-hmm. Puis de cette image va être produit environ entre 35 et 40 autres petites images. Mais de ces images-là, une après l'autre, va peut-être revenir comme... Comme une boucle qui se forme dans le processus? Ben, en la première journée, j'ai produit des images et de ces images-là, j'en ai choisi une qui a été travaillée la quatrième journée. Mm-hmm. Donc, c'est comme des pistes qui se dessinent. Exactement. Selon les différentes expérimentations que tu fais. Et puis après ça, ça te mène d'une journée à l'autre en suivant cette piste-là. Mm-hmm. C'est intéressant. Et puis, tu as vraiment une affection, je pense, pour les papiers, les tissus aussi. Pour avoir fouillé un peu sur ton travail, on remarque aussi ton affection pour les tissus. Qu'est-ce qui t'interpelle dans ces médiums-là de papier, de tissus? Est-ce que c'est la fragilité? Exactement, c'est la fragilité, le côté éphémère. Le côté aussi que c'est tellement léger que ça... Donc, la façon dont ça interagit avec l'air, avec les mouvements des gens, les éléments aussi. Oui, puis la lumière aussi, parce que le papier a quand même une certaine capacité de réfléchir la lumière, qui est très intéressante. Oui, puis on en discutait quand je suis allée te visiter, ce travail-là de la lumière, donc de numériser un papier, puis de prendre une photographie d'un papier, c'est pas du tout la même lumière. Non, c'est pas du tout la même lumière. Quand on prend une photographie, la lumière, c'est la lumière du jour avec un certain éclairage, que quand on numérise, la lumière, on a l'impression qu'elle sort de l'objet. Oui, donc on dirait que ça émane, que l'objet devient comme luminescent quelque part. Il y a quelque chose de magique qui se passe dans ce procédé-là de la numérisation. Et puis, dans ta pratique, tu as aussi travaillé la lithographie qu'on ne voit pas parce que dans l'exposition résidence expérience que tu présentes à la salle d'exposition du pavillon des jardins de l'Université Laval. C'est vraiment de la lithographie, pas de la lithographie, pardon, là je me suis perdue dans mes mots, de l'estampe numérique. Exact. Mais comment ce travail-là de la lithographie vient influencer ton travail en estampe numérique? En fait, je crois que mon travail en estampe vient énormément m'influencer dans comment je produis mes images, de travailler l'image, de l'imprimer et de revenir travailler, En estampe, le but ultime, c'est d'avoir une image dite parfaite, tandis que dans mon processus, c'est plutôt une perte de contrôle, de laisser aller. Mais cette manière de procéder et créer des images. Donc, la perte de contrôle ne se fait pas par les gestes artisanaux, je dirais, qui impliquent la lithographie, mais se fait par... On délègue la perte de contrôle, si on veut, aux technologies. Exactement. Donc, et puis, ce travail de la répétition aussi, c'est quelque chose qui est très présent dans l'estampe. Tu ne vas pas numéroter chacune des occurrences qu'on peut voir sur les murs à la salle d'exposition. Et puis... mais il y a quand même de cette idée-là de la répétition puis de la reproductibilité du médium. On peut voir aussi, je vais partager une photographie sur Instagram, mais on peut voir aussi que les formats sont très limités. On a des très petits formats. Est-ce que c'est quelque chose qui est intentionnel? Oui, je voulais utiliser des petits formats intimistes, des 4x6 qui rappelaient un peu la photo. Vu que dans l'expo, il y a énormément de photos, je voulais que qu'on soit capable d'avoir plusieurs petites images sur le même mur, mais qu'on vienne et qu'on s'approche pour essayer de voir plus intimement chacune des petites images. Fait que le petit format fait qu'on veut se rapprocher pour pouvoir voir... pour avoir un contact plus intime avec le papier, d'impression, mais aussi avec le papier à l'origine de l'image. Exactement. Ces essais-là, à chaque jour, il y a un pan de mur que tu investis avec tous ces essais. Donc, il y a de l'essai-erreur. Est-ce que les erreurs font aussi partie de ce qui est montré? Oui, pour cette expo-là, j'ai absolument rien jeté. Je garde toujours tout, puis tout va être sur les murs, même les erreurs qui s'est produit dans mon ordinateur. J'en ai imprimé, je les ai imprimées, je les ai... On entre vraiment dans tout le processus, incluant les accidents, les erreurs et les moins bons coups, je dirais. Exactement. Est-ce qu'on peut parler encore de cette quête, cette recherche de qu'est-ce que tu recherches et puis est-ce que tu arrives à un moment donné à un produit fini? En fait, je crois pas que j'arrive à un produit fini. Je vais commencer par ça. Oui. Parce que ça se fasse 2 ans, 3 ans, j'en reviens toujours repiger dans mes vieilles banques d'images. Puis je viens piger des images qui sont entre le début et la fin d'une série X pour en reprendre puis en repartir de nouvelles séries de cette nouvelle matrice. Puis l'autre question... Oui, excusez, j'ai posé 2 questions. Donc, qu'est-ce que tu recherches? Parce que tu fais beaucoup, beaucoup d'expérimentation, mais il y a une recherche quelque part. Oui, il y a une quête. Oui, en fait, j'essaie de produire des images qui sont entre l'apparition et la disparition, qui sont dans un état d'équilibre où qu'on ne sait pas si l'image vient d'être en train de disparaître ou d'apparaître, un questionnement qu'on se pose. Donc, un peu ce qui vient évoquer le titre « L'une à l'autre », de passer de la, du, ce passage entre l'apparition, la disparition et inversement. Cette exposition « L'une à l'autre » est à la salle d'exposition du pavillon Desjardins de l'Université Laval. Je te remercie beaucoup, Marie-Pierre Gravel, d'être venue nous parler de ton travail. Nous, on va prendre une pause et au retour de la pause, on va s'entretenir avec la directrice de la programmation du FIFA Montréal. Alors, j'ai au bout du fil avec moi Anita Hugui. Est-ce que je prononce bien votre nom, Anita? Absolument. Hugui comme Huguenot. Voilà, tout Parfait. Simplement. Donc, bonsoir. Bonsoir. Anita, tu es la directrice de la programmation du FIFA. Je te demanderai d'emblée, pour éclairer un peu nos auditeurs, mais qu'est-ce que le FIFA? Qu'est-ce que le FIFA? Le FIFA est le Festival international du film sur l'art à Montréal, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais cette année aussi en simultané à Québec. Donc c'est un festival qui présente des documentaires et tout généralement des films dédiés à l'art, de tout genre, discipline, donc art visuel, mais aussi dédié à la photographie, à la littérature, au design, à l'architecture, à l'urbanisme. Donc, toute la gamme des disciplines des arts et par le médium du cinéma. C'est ça le FIFA. Et c'est le FIFA, c'est aussi un festival qui existe depuis 36 ans, qui était fondé par René Rosan en 1981. Donc, un festival qui a déjà un très, très beau héritage et qui est peut-être à Montréal et maintenant à Québec un festival parmi d'autres, mais qui est reconnu pour être le plus important dans son genre à l'international. Donc, cette collaboration-là, parce qu'auparavant, on a eu l'occasion d'avoir des projections du Festival international du film sur l'art à Québec. Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette année dans cette collaboration que le FIFA entretient avec le Musée national des beaux-arts du Québec? Oui. Il y a peut-être trois éléments qui sont nouveaux. Donc, auparavant, il y avait une sélection de films du FIFA quelques semaines plus tard à Québec. Cette année, c'est la première fois que c'est vraiment en parallèle pendant le festival à Montréal. Et le deuxième élément, c'est que auparavant, il y avait surtout ou presque exclusivement un choix de films dédiés à l'art visuel, alors que cette année, tout le spectre des disciplines artistiques vont être présents à Québec aussi. Donc, un film sur le cinéma japonais d'animation, un film dédié à Barbara Hannigan, la chef d'orchestre et soprano canadienne. Donc, des films vraiment de tout ce beau spectre que couvre le FIFA. Et peut-être la troisième nouveauté, c'est pas grâce au FIFA, c'est grâce au Musée national des beaux-arts du Québec à Québec. C'est cette fantastique salle dans laquelle nous allons présenter, je crois, pour la deuxième fois maintenant, cette sélection de films sur l'art. Donc une belle collaboration qui va sûrement s'enrichir avec les années. Et puis à chaque édition de FIFA, il y a toujours des différentes directions qui sont prises, différentes thématiques qui sont abordées. Quelles sont les thématiques particulières qui sont abordées cette année à FIFA Montréal, FIFA Québec également? Oui. Donc le FIFA en général cette année, il y a deux focus. Au sein de la programmation, c'est le focus musique qui traverse toutes les quatre sections du FIFA, donc des films donc dédiés à la musique classique, comme par exemple aussi des événements spéciaux comme ce samedi à Montréal, par contre cette rencontre avec le maestro Ken Nagano, et un film, une projection de film, et aussi avec lui qui va nous parler de son travail, mais bien sûr aussi par exemple ce mercredi un film dédié à Arnaud. Donc la musique est à l'honneur cette année de la programmation du FIFA. Et le deuxième focus thématique, c'est l'invitation à la création d'un pays. Et cette année, c'est la création suisse, donc avec plusieurs films aussi à travers toutes les sections. Et toute et chaque année, depuis 15 ans maintenant, il y a aussi FIFA expérimental. C'est une sélection de films d'artistes, donc vraiment pas seulement du film sur l'art, mais des films d'artistes de l'art vidéo. Et ça, cette année aussi, est présent à Québec le jeudi soir, toute une soirée, une sélection qui sera présentée par Nicole Gingras, la curatrice de cette section, qui sera présente jeudi soir. Oui, donc ça va être un réel plaisir d'avoir la directrice de cette section pour le FIFA expérimental à Québec jeudi soir. Et je pense qu'il y a également une célébration également au FIFA cette année parce que il y a un pan très très important du cinéma documentaire au Québec qui a émergé il y a une soixantaine d'années. Absolument. On a fêté, bien sûr, le cinéma direct, qui est un enfant du Canada et tout précisément du Québec. Donc, on a fait un événement avec la présence de 10 réalisateurs, réalisatrices de ce mouvement, soit artisans, soit héritiers ou héritières de ce mouvement. Et ensemble, avec l'ONF, on a donc fêté les 60 ans de ce mouvement parce que je crois que le documentaire, c'est un art. C'était ça le titre de cet événement, l'art du documentaire. Et donc, chaque année, je fais aussi un événement spécial dédié à l'héritage du Canada et normalement tout précisément du Québec. Et peut-être, si on parle d'héritage et de grandes œuvres, donc mercredi soir, on ouvre donc le festival à Québec avec une première mondiale du film « L'homme de l'île ». Qui est le nouveau film de Bruno Boulian et qui présente au centre de ce film et l'œuvre de Rio Pell, hommage à Rosa Luxembourg, qui est en exposition permanente au Musée national des Beaux-Arts du Québec. Donc, un film dédié à l'héritage de cette œuvre-là et de Rio Pell. Ça va ouvrir le festival mercredi soir à 19h, en présence du directeur général du FIFA, Philippe Drago, et de moi-même, et bien sûr, du réalisateur et d'autres invités spéciaux. Donc, ça va certainement être un bel événement de voir cette rencontre entre le film documentaire et l'œuvre au sein d'un même lieu. Absolument, on aura la possibilité de faire les deux, pour une fois. Donc, pour les auditeurs de Québec, outre ce film « L'homme de l'île » qui est très, très intriguant et très, très, très excitant, mais je vais vous poser une colle, mais si vous aviez à nous nommer quelques incontournables à venir voir à Québec... Oui, bon, c'est quelques incontournables pour moi, c'est difficile, oui. Mais bien sûr, je peux peut-être traverser rapidement. Donc jeudi, nous avons deux films qui sont dédiés à la photographie. Un film de la réalisatrice montréalaise Joyce Borenstein dédié à l'œuvre de la photographe américaine Lida Moser et tout particulièrement à son voyage qu'elle a fait dans les années 50 en Québec. Donc on voit ses photos à travers ce film. Il y avait 2-3 ans aussi une expo au Musée national des Beaux-Arts à Québec sur elle. C'est aussi le film qui s'appelle Focus Iran, l'audace au premier plan, qui présente en une simple heure tout un voyage dans l'Iran d'aujourd'hui à travers l'œuvre photographique de 4 femmes photographes et un photographe masculin contemporain. Et c'est un film qui a eu un énorme succès ici à Montréal, qu'on l'a déjà montré le 9 mars. Et donc là, à Québec, il y a encore opportunité de le voir. Donc ça, peut-être la photographie. Vendredi, aussi donc ce film dédié à ce grand cinéaste d'animation, cofondateur du studio Ghibli, Miyazaki. Le film s'appelle Neverending Man et il raconte donc l'histoire de cet homme qui est passé à la retraite mais qui ne peut pas arrêter de dessiner et qui va en fait revenir dans son studio qu'il avait fermé et qui va reprendre son travail. Un film qui joue donc à Tokyo. Le samedi, nous avons la première mondiale du film qui présente ce nouveau fantastique musée à Abu Dhabi, le Louvre à Abu Dhabi, construit par Jean Nouvel. Et Jean Nouvel, l'architecte, il va nous révéler un peu son concept, qu'est-ce que c'est un musée pour lui. Et peut-être, si je peux dire une chose, une des choses qu'il nous présente donc, dans la création de ce musée, il dit, le musée, c'est un lieu de rencontre. C'est comme un jardin, si t'en veux. Et je crois, c'est ça aussi, que nous sommes très heureux d'être présents avec notre programmation au sein du musée, qui, je crois, tout particulièrement au Québec, montre ça aussi, les musées comme lieu de rencontre et de partage. Donc ça, c'est samedi. Donc dimanche, comme je l'ai dit, le film de Mathieu Amalric, qui est connu aussi, bien sûr, comme acteur, mais qui est un réalisateur vraiment extraordinaire, et qui est présent avec un film dédié à Barbara Hannigan. Mm-hmm. On a le dimanche aussi un film pour les gens qui s'intéressent plus aussi à l'art contemporain, visuel, un film sur Alfredo Jarl, artiste chilien, un film fantastique qui présente son œuvre par une œuvre cinématographique. On a aussi des films un peu plus, disons, policiers. On a le film qui s'appelle Le Faussaire de Vermeer, qui nous emmène dans l'Europe pendant la Deuxième Guerre et qui nous fait découvrir l'œuvre de Vermeer par un peu un cas policier, pour ainsi dire. Mais merci beaucoup pour cette sélection très, très sélecte de cette vingtaine de films qu'on va pouvoir aller voir au Musée national des beaux-arts du Québec à partir de demain. Et ça se poursuit jusqu'à dimanche. Je vous remercie beaucoup, Anita Hugui, d'avoir pris le temps de nous parler de la programmation du Festival international du film sur l'art. Merci à vous. Bonne soirée et à bientôt dans la salle. Oui. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez aller sur le site du Musée national des beaux-arts. C'est $12.50 par film pour les adultes. Et vous pouvez également vous procurer un laissez-passer pour la série complète pour la modique somme de $100. On va prendre une courte pause audio et au retour, je vous présente l'agenda de la semaine. Donc, parmi les événements, ne pas manquer dans le domaine des arts visuels à Québec cette semaine, donc demain, dans le cadre du Mars de la maîtrise, il va y avoir une conférence de M. Georges Azaria sur l'appropriation et les œuvres du domaine de l'art public. Ça va être à 13h, donc au roulement en bille. Également, comme on en parlait avant la pause, c'est demain que débute le FIFA, Festival international du film sur l'art, au Musée national des beaux-arts, et ça se poursuit jusqu'à dimanche. C'est demain également que va avoir lieu le carrousel à vue avec comme invité Evelyne Boulva, donc à 17h30. Et vidéo, la bande vidéo et Antitube vont présenter une rétrospective de Michel Cournoyer à partir de 18h30 au Musée de la Civilisation. Donc, cette grande cinéaste québécoise qui mérite des honneurs. Et jeudi, il va y avoir la conférence de Richard Baillargeon à l'édifice de la Fabrique, Ces chiens de faïence, images et mots dans leur étrange fascination. Donc, une conférence sur les mots et l'art. Également, le vernissage de Marie-Pierre Gravel qu'on a reçu à l'émission, qui va être à partir de 17h à la salle d'exposition du pavillon des jardins de l'Université Laval. Et la semaine prochaine, à partir de lundi, va débuter l'exposition de Marie-Pierre Saint-Georges du côté d'Espace Parenthèse. Et c'est la dernière semaine pour aller voir Salle de brouillage de Julien Classe, qui est une exposition présentée dans le cadre du mois multi à Regard, Centre d'artistes en art actuel. Et c'est également cette semaine qui va se terminer dans la vitrine des membres, la diffusion d'une performance de Robin Gosselin Monasevitch. Vous avez également jusqu'à dimanche pour aller voir la très, très belle exposition de Donegan Cumming, La chambre d'Alfred et autres espaces, dont Julien Saint-Georges nous a parlé la semaine dernière, donc qui est présentée à Michel Guimond jusqu'à dimanche. C'est ainsi que se termine cette édition de l'aérospatiale. Comme à chaque semaine, vous pouvez rattraper l'émission en balado-diffusion sur notre page web, l'aérospatiale.ckrl.wordpress.com. Et vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook et sur Instagram. J'aimerais remercier notre chroniqueuse, Héloïse Plamondon-Pagé, et nos invités, Evelyne Boulva, Anita Hugui et Marie-Pierre Gravel. La mise en onde de cette émission est assurée par Jacques Gignac, le sculpteur des ondes radio. Je salue Audrey Caro, évidemment ma chère collaboratrice, que vous allez retrouver la semaine prochaine à l'animation de l'émission, et demeurez à l'écoute parce que de l'autre côté de la pause, Pierre Blais et son équipe vont vous attendre pour parler cinéma à l'émission Situation critique en direct de la Ninkasi, toujours sur les ondes de CKRL 89.1. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. CKRL 89.1. Blammo! Y a-t-il assez de sang sur les signes de détresse? Assez de vibrato dans ces voix qui crient au secours? De vie dans l'œil des vivants? Y a-t-il encore assez de vivants au bout de nos routes? Rhizome présente, du 16 au 18 mars, en partenariat avec le Centre de la Francophonie des Amériques et le Musée de la Civilisation, Vocalité vivante. Programmation complète sur vocalité.ca. La Société de développement des périodiques culturels québécois vous présente le Printemps des revues. Que vous soyez passionné de cinéma, des arts visuels, de musique ou de théâtre, que vous aimiez vous plonger dans des nouvelles et des poèmes, ou que vous souhaitiez approfondir les enjeux de société, vous trouverez parmi les 45 revues de la SODEP. Du 6 au 25 mars, les revues culturelles québécoises vous donnent rendez-vous. Plus de détails sur sodep.qc.ca. Nevsky en concert pour deux soirs seulement. Accompagné pour la première fois par l'Orchestre symphonique de Québec, le chanteur offrira un spectacle exceptionnel dans son univers lumineux. C'est un rendez-vous les 13 et 14 mars au Grand Théâtre de Québec. Hydro-Québec, partenaire de saison.